le son de ma voix, ça va? Hein? Parce que la dernière fois j'ai monté ça. J'espère que c'est pas trop fort en tout cas. Bon. Yeah. J'aimais bien le petit riff de guitare là. Ouh.

comment ils sont où les gens? Yo. savoir la peine de finir aux infos. Fond dans la faute, chaud dans la coup de douze. À cause du blues et l'ébranlement que du bon vieux temps. Non mais tu t'entends, ton vécu tremblant. Pompé sur tant j'en ai ta sale manière d'être. On déçu franchement, on n'est plus semblant. On met plus de gants blancs pour servir ses maîtres. On fait plus semblant, oui missier, oui missier. Mon début de grand blanc, je vais m'immiscer, je suis initié. Fondé du remblant, qui sait, est initié de l'affront et du changement. Thank you. Des colons aussitôt bougent leur tête comme le fait le point sur un oscillo de bas en haut, de haut en bas, et tu t'en bats les coups tant que le son est là, tu t'en bats. La leçon est là, tu m'en mal. Comment veux-tu pouvoir prêter de la thune sans maille? Comment esquiver la joie, esquiver la loi? Comment feinter, comment lutter, comment ça va toi? D'ailleurs, tu deviens quoi? Et me sors pas de mytho, genre vendre le coca, c'est jours prolongés au comico. Car tu sais quoi, tu n'as que l'odeur du psycho. Tu me baisses le bras, et pas plutôt la mettre des chicots. Tu n'es qu'un ego, tu pensais me dominer. Dans ton jeu au domino, tes cheveux dominés. Tu n'es qu'un mino, Titi et moi promino. Comme Bernino, elle joue pour faire mon zopotini. J'ai pas terminé, juste ouvert mon combiné. Je tiens le micro, et je suis large, je compte opiner. Bande dessinée, je pèse les mots, comme fais les fous. Prépare-toi à halluciner. Tu fais ce déco, non, c'est du ciné. Je tiens que des gros et la ferme avec ta dulciné. Tu testes mes bros, non mec, c'est faux, je te pompe les os. Prends le numéro perso du kiné. Je vais t'exterminer, te faire du mal terminer. Te manger au 200 ma porte et tu vas t'illuminer. Pour dominer, faut saigner les mots, ce que j'ai. Oh, eh ouais, yo. Ça fait chaque balle, verbale que je tire. Je dégomme des tonnes et des tonnes d'MC. Moi je déconne, des fois déconne, mais ça m'étonne. Si je sais, on se ment les uns les autres, je sais qu'on fait des faux. Est-ce que tu crois que ça vaut la peine de finir aux infos? Fou dans la foule, chantant coup de 12. Cause du blues éveillé par le manque du bon vieux temps. Non mais tu t'entends, ton bec est plein plein. Pompé sur plein de gens dans ta sale manière de on a su franchement, on n'est plus semblant. On met plus de gants blancs pour servir ses maîtres. On fait plus semblant, oui missier, oui missier. On débute grand, moi je vais m'immiscer, je suis initié. Fondé du rendement, qui sait, et qui sait de l'affront et du changement. On danse pas, on m'y c'est toujours les mêmes qui parlent. Les mêmes qui parlent, toujours les mêmes qui flattent pour me diviser. Tous les jours je mange des pâtes, je prends des claques. Tous les jours je sais qu'ils croient le journal télévisé. Et c'est toujours les mêmes, toujours les mêmes. Beaucoup j'aurais pu dire de foutre la merde. Mais c'est pas de question, ils voudraient qu'on perde. Mais même en hyperventilation, bah moi je garde quand même. Il faut que je fasse une pause, car ma lucidité est partielle. Même si quand je lâche une prose, c'est de l'amour que je parsème. Ma vie n'est pas toute rose, elle traîne plutôt du côté pastel. Du coup mon rap c'est du blues, un peu comme Cusa ou Cassel. Thank you. ça se passe, comment ça se passera. Thank you. orage éclatant pour aujourd'hui c'est mort. Donc je mets le son fort et le lyrique c'est pas bon. J'ai pas le temps, je te dis, j'ai pas le temps pour amener. Pas le temps pour les bijoux, pas le temps pour déconner, je peux en trouver un bisou. Pas le temps pour les trophées, puis j'ai pas les jambes de ciseaux. J'ai trop envie de bonnet, mais j'ai pas le temps pour les films. Puis j'ai pas le temps pour déconner. Je le sais, mais quand je te dis, t'as pleinement pas le temps. Pas le temps pour le sexe, pas bon si j'insiste. On sent que c'est le style, on tabasse, qu'on boise la bise. Mais pas si j'insiste, tu voulais du pas l'absolir. J'ai pas le temps, j'en ai dans ma vie. J'ai pas le temps, tu veux que ça aille vite. Yeah.